votre chemin, évite les bombes qu'ils mènent vers un calme jardin. Bonjour, dernière journée de l'année, aujourd'hui, vendredi 31 décembre. À Paris, c'est toujours l'état de siège. Jacques Chirac aurait passé toute la journée dans l'abri anti-atomique de l'Élysée, tout en faisant passer des messages se voulant rassurants. La situation est en passe d'être maîtrisée, a-t-il ainsi affirmé dans un texte diffusé sur le site internet de la présidence de la République. Pendant ce temps, Nicolas Sarkozy... Excusez-moi, je vais m'excuser, cette personne est en train d'entrer dans le studio là. Samedi 1er janvier, il est 10h, vous êtes sur Fréquence Paris Info. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous ne pouvons assurer la diffusion de nos programmes habituels. Toute l'équipe de FPI vous prie de l'en excuser. Samedi 1er janvier, il est 16h, vous êtes sur Fréquence Paris Info. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous ne pouvons assurer la diffusion de nos programmes habituels. Toute l'équipe de FPI vous prie de l'en excuser.